stand, une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'antisémitisme. Aujourd'hui, le documentaire. Après notre émission d'hier, pendant laquelle nous avons inscrit les figures contemporaines de l'antisémitisme dans la longue histoire de ce même antisémitisme, avant notre émission d'archives de demain qui sera consacrée à l'écrivain Irène Némirovski et notre débat de jeudi consacré à ce que fut l'anti-judaïsme médiéval, nous vous proposons ce matin de réfléchir à la vie et à l'œuvre de l'auteur de Bréviaire de la haine ou encore de la grande histoire de l'antisémitisme, Léon Poliakov, Léon, Paul et Poliakov, un documentaire d'Alain Lefkovitch et de Thomas Duterre sur cette vie donc de Léon Poliakov avec Germaine et Aline Poliakov, avec Annette Vieviorka et avec Tal Brutmann jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Et je ne sais pas si vous connaissez le nom de... probablement l'abbé Glasberg et Ninon Veil, ça vous dit quelque chose? Alors Ninon Veil était ma tante, c'était la sœur de mon père. Et c'est eux qui nous ont trouvé l'appartement ici, qui ont trouvé l'appartement pour les Poliakov ici, dans cette résidence. Alors moi j'habite ici, et maman habite au dernier étage. Donc Léon a écrit beaucoup de son œuvre ici, dans cet appartement. Oui, donc il est arrivé en 54. On est arrivé en 54 et il est décédé en 97, en décembre 97. D'ailleurs, je me souviens très bien du jour où il a fait un AVC et il parlait de la résistance. C'était en novembre 97. Et il disait qu'il avait donc un faux nom pendant la guerre, Robert Paul, et que donc il était supposé être français, et que c'était extrêmement gênant parce qu'il avait gardé son accent russe. Il l'a gardé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc c'était très dangereux. Et pendant qu'il parlait, ce qu'il disait est devenu inaudible. Il a commencé à bredouiller. Il a fait son AVC. Il était en train de nous parler de la guerre, voilà. Et ensuite il a été à l'hôpital et décédé. C'est un peu l'histoire. Voilà. J'espère que maman est... Ouh, nous arrivons. Ils arrivent. Voilà. Léon, Paul, bonjour. Et Poliakov, par Thomas Duterre et Alain Lefkovitch. Alors vous avez... Annette Vieviorka, je vous connais que par photo. Non, on s'est déjà rencontrés, Germaine. Oui, bienvenue à vous. Tenez, je vais... changer, c'est vrai. Ah oui, alors vraiment... J'ai 99 ou 90, je ne me rappelle bientôt plus. Bientôt 99. Oui, j'ai 99. Décembre. Voilà. À 15 décembre. Bientôt 100 ans. Entrez. Tal Brutmann, je suis historien, spécialiste de la Shoah. Donc vous avez lu les Mon mari, quoi. Oui, je l'ai lu, j'ai marché dans ses pas, d'accord. Je l'ai cherché dans les archives à Grenoble. Oui. Alors, je peux m'asseoir? Il y a 25 ans, je me rendais à Massy dans l'Essonne, à la résidence des Peupliers, située avenue du président Kennedy. Je montais au dernier étage du numéro 35, dans un appartement modeste, au fond duquel, dans un petit bureau sombre et encombré de livres et de documents, dont j'ignorais totalement la nature, un grand monsieur m'attendait. Il s'appelait Léon Poliakov, historien de l'antisémitisme, sans doute le premier, dont j'avais lu en toute hâte les principales publications, comme Bréviaire de la haine. Je préparais alors un documentaire sur le Birobidjan, premier état juif créé en Union soviétique au milieu des années 20, et je venais chercher une lettre de recommandation auprès de mon illustre hôte. J'enfouissais la précieuse missive dans mon sac, tirais ma révérence et ne devais plus jamais revoir cet homme à l'accent russe très prononcé qui m'avait fortement intimidé. Septembre 2016. Le hasard me mettait sur la route de Jean-Michaël Poliakov, son fils, à qui je m'empressais de raconter ma rencontre avec son père. Rien ne semblait avoir changé dans l'exigu bureau de la résidence des Peupliers. Les livres et les documents n'avaient pas bougé depuis la disparition de Léon, le 8 décembre 1997. 2 octobre 2017. Pour la seconde fois, je prenais la route de Massy, direction la résidence des Peupliers. J'allais revoir cette pièce dont le souvenir n'était plus très clair. Mais cette fois, je n'y venais pas seul. L'historienne, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs, Annette Viviorka, et l'historien spécialiste de la question de la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France, Tal Brutmann, m'accompagnaient pour ce pèlerinage. Alors, nous sommes dans le bureau de Léon et on a gardé absolument tous ses travaux, tous ses manuscrits, toutes ses coupures de presse, ses cartes d'identité de la guerre. Enfin, on a gardé tout ce qu'il avait, il avait au moment de mourir. On n'a rien sorti. Il était là et vous voyez, écoutez, il y a des choses dans toutes les langues, hein, en allemand, en hébreu, en latin, en italien. Enfin bon, il parlait énormément de langues, comme beaucoup de Russes et comme beaucoup de savants. Il y a une chose à ce sujet, pour que tu ouvres ça, Gilles Firmin a fait remettre le nom de Poliakov. Attends, ouvre là. Ça ? Oui, le livre rouge là, c'est ça, en ça bas, oui. Pour les, comment ça s'appelle ? Le Rouge-Vous ? Hein, comment ça s'appelle le livre ? Rouge-Vous, qui est qui ? C'est incroyable comme cette notice. Il est né en 1910 à Leningrad, URSS. Oui, parce que fils de Vladimir Poliakov, éditeur, et de Madame née Fanny Friedman, mariée le 8 janvier 1952 à Mademoiselle Germaine Rousseau, ici présente. Ça vous plaît quand on dit Rousseau. Un enfant, Jean-Michaël, et 3 enfants de premier mariage de Madame, Daniel, Aline, Arlette, études lycée Janson de Sailly et faculté de droit à Paris, doctoresse lettres, carrière, collaboration au quotidien anti-hitlérien, Pariser Tageblatt, ça, c'est le donc c'est le journal de son père pour les immigrés allemands, cofondateur du Centre de documentation juive contemporaine, 1945, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, 1954-1979. Ensuite, toutes ses œuvres, ses décorations, donc chevalier de la Légion d'honneur et officier des arts et des lettres. La famille fuit la Révolution, c'est des Russes blancs. Russes blancs, juifs complètement assimilés. Et moi, je vous parle de la mémoire de ce qu'il m'a raconté. Donc, ils vont s'établir en Allemagne et ils quittent l'Allemagne probablement avant l'arrivée d'Hitler, avant 1933. Comment Saint-Pétersbourg, le Saint-Pétersbourg de votre enfance ? Oh, écoutez, je suis parti, j'avais 8 ans, de vagues souvenirs d'enfance, la neige, les traîneaux, bon... Ah oui, c'est comme ça, avec... comme on peut imaginer un hiver russe ? Oui. Des fourrures partout ? C'est ça, là, les fiacres, enfin, choses comme ça. Et puis, il me reste un indécrottable accent russe. Que vous cultivez, non ? Je ne pense pas vraiment. Ou alors c'est profondément inconscient. Hein ? Et Léon, c'est à cause de Tolstoï. Exactement. Je suis né 2 ou 3 jours après sa mort. Ma mère était tolstoïenne. Ça a laissé des traces. Que ma mère dit philosophe. Mit ein kurzen Meichel setzt sich dies im Rebenstisch, es lernen ein bisschen Seichel. Jum bababam, jum bababam, bababam, bababam, bababam, bababam, jum bababam, bababam, bababam. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où Léon Poliakov arrive en France et le moment où il s'engage auprès des forces françaises libres ? Alors d'abord, il était dans l'armée, il a été engagé dans l'armée française et il a été fait prisonnier, c'est ça, maman, en 1940. Oui, il a été prisonnier et s'est évadé d'une façon très... Alors raconte. Très rigolote, si j'ose dire. On l'amenait avec des prisonniers dans un camion. Et il a simplement sauté du camion et s'est sauvé à grand enjambé. Voilà. Ah. Et là, il a été... où est-ce qu'il était déjà? Chez les Bardones. Il a été caché par les Bardones. C'était dans quelle ville déjà? C'est dans à son... Lyon, à Lyon, je sais plus. À côté de Lyon. Et il a aussi été arrêté, maman, par la Gestapo. Oui. Raconte comment il s'est évadé, tu sais, tu m'as dit. Il s'est évadé, c'est très amusant. Ça. La porte étant restée ouverte dans le commissariat, oui. Il a simplement pris les jambes à son cou. Voilà. Juste pour compléter la réponse de Germaine Poliakoff, selon vous, comment il fait pour survivre avec son accent à couper au couteau? C'est une excellente question. Dans ses mémoires, il explique qu'à un moment à Grenoble, il est arrêté par deux policiers qui pensent qu'il a une fausse carte. Qu'il passe un peu à tabac et puis qu'il réussit à s'en sortir. Les gens qui ont survécu à cette époque-là, enfin, pour les Juifs en France, une grosse part de chance, c'est que soit ils n'ont jamais été contrôlés, ce qui n'est pas son cas, il a été contrôlé, il a été arrêté, mais il a eu de la chance, il a réussi à s'évader. Il connaissait très bien, d'autre part, un commissaire à Grenoble qui l'a régulièrement aidé, mais à ce moment-là, c'est une très large part de chance. Voilà, évidemment, c'est ça qui est surprenant. Il a une fausse carte d'identité au nom de Paul Robert. Et en même temps, il a un accent russe à couper au couteau qui peut difficilement être pris pour un accent régional français. Donc c'est une interrogation pour laquelle moi, j'ai pas d'explication autre que il est passé au travers. Voilà, s'il avait été arrêté par des gestapistes français, je pense qu'il aurait été beaucoup plus soupçonneux que... un flic de base qui, en 1944, n'a pas trop envie d'arrêter les Juifs parce qu'il se dit que la libération va pas tarder à intervenir. Alors, carte d'identité. Robert Paul, donc nous l'appelions Paul, puisque maman l'a rencontré sous le nom de Paul. Hein. Alors, employé, né à Lesquin, hein, dans le Nord, fils de Jean et Adrienne Bourserie, nationalité française. Voilà, donc ça c'est sa fausse carte d'identité. 1m63, changement de domicile. À ce sujet, une lettre furieuse, okay. Parce qu'on n'arrivait pas à naturaliser français, alors qu'il avait fait la guerre et tout. Et alors, cette lettre-là, elle serait amusante à trouver. Mais est-ce qu'il avait du mal à être naturalisé français. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas devenu français parce qu'il s'est marié avec toi qui étais française? Non. D'accord. Je regardais, il y a sa fiche de démobilisation. Quand est-ce qu'il a été démobilisé? Il a emmené à Leningrad, d'infanterie. Waouh, elle est très, très abîmée. Saint-Valery-en-Caux. Oui. Il a été fait prisonnier à Saint-Valery-en-Caux, qui était à l'époque en Seine inférieure, le 12 juin 40. Et il s'est retrouvé au stalag de Doullens. Et il a été évadé, effectivement, prisonnier évadé, 2 septembre 40, donc ensuite démobilisé. Hein, les évadés ont été démobilisés. Alors, il s'est évadé grâce à un cuisinier allemand. Donc, puisqu'il parlait allemand, il était fait prisonnier, il s'est lié d'amitié avec ce cuisinier, c'est ce qu'il nous avait raconté, et c'est le cuisinier qui l'a fait sortir, il l'a fait évader de cette prison. Ensuite, il y a eu l'épisode Chambon-sur-Lignon. Donc là, on est dans la résistance. Donc il était dans le fameux réseau André. Donc ici, il y a une lettre de Joseph Basse, qui était donc le patron, je crois que c'est là-bas, le patron du réseau André, puisqu'on est pendant la guerre. Il était donc à Marseille pendant la guerre. Et donc, il était le secrétaire de ce rabbin Isaac Schneerson, que Léon appelait le rabbin miraculeux, je ne sais pas pourquoi. Et il a commencé à travailler avec lui Il cachait le rabbin Schneerson, il était dans une pièce, il voulait absolument faire la prière. Alors Léon lui a dit, attendez, quand le train va passer, que ça sifflera, vous pourrez dire votre prière. C'est un truc à peu près comme ça. Alors le train a sifflé et il a pu dire sa prière. C'est rigolo, et c'est exact, l'histoire. Il avait des arrangements, alors que lui, qui n'était pas du tout pratiquant, je dis croyant, pas pratiquant, mais il m'a dit, je suis intellectuellement converti au judaïsme, il m'a dit un jour, intellectuellement. Alors, est-ce que vous étiez juif à Saint-Pétersbourg ou pas, au fond ? Assez peu. Mes parents étaient fort assimilés. Je sais que j'étais le cadet. On était 7. Les 6 aînés étaient des filles. Et d'après la tradition familiale, mon père allait à la synagogue au moins le jour du grand pardon. Et après que je sois né, il n'y alla plus. Entre autres métiers, j'ai été pendant un an le bras droit, le confident, le secrétaire d'un rabbin assidique, c'est-à-dire quasiment fanatique. C'était très instructif. On revient peut-être à Grenoble, parce que c'est là qu'il fait la connaissance d'Isaac Schneerson, qui est comme lui un russe blanc, émigré, comme lui privé de ses moyens d'existence normaux, et qui a cette idée, qui peut paraître saugrenue aujourd'hui, de créer un centre de documentation juif contemporaine. Et il crée à Grenoble, rue Bizanet, il y a une plaque aujourd'hui, le centre de documentation juif contemporaine, en avril 1943. Et à l'époque, Grenoble est occupée, mais par les Italiens, qui ne présentent pas de danger particulier pour les Juifs. Voilà. D'ailleurs, Léon Poliakov a rassemblé des documents sur l'occupation italienne, les Juifs et l'occupation italienne. Et c'est Isaac Schneerson qui embauche Léon Poliakov dès la période de Grenoble pour commencer à travailler, à rassembler de la documentation sur la persécution. Et notamment sur l'arianisation des biens juifs. Et dans l'Auberge des musiciens, il raconte comment il compilait les annonces d'arianisation qui étaient publiées au journal officiel pour faire une sorte de bottin. Et effectivement, après la guerre, le CDJC fera paraître un bottin des « arianisés », entre guillemets, et un bottin des « arianisateurs ». Et puis, alors là, je vois que vous avez cette magnifique lettre qui date de mars 1945. Je sous-signé Isaac Schneerson, président du centre de documentation, qui s'appelle à l'époque Centre de documentation des déportés et spoliés, ce qui prouve la place que la spoliation avait, déclare engagé en qualité de chef du service de recherche Poliakov Léon, de nationalité réfugié russe. Non, il était apatride, en fait. Voilà. Pour une durée de 6 mois, sous réserve de l'approbation du ministère du Travail. Et il est payé 5000 francs par mois. Voilà. Donc c'est là qu'il commence à travailler au service de recherche d'une institution qui n'existe pratiquement pas, quoi. C'est une sorte de coquille vide. Et c'est là qu'il va commencer à rassembler des archives. Et qu'en 1946, il va donner au procureur adjoint français qui était Edgar Faure, toute la documentation qui va permettre, c'est important, ça c'est capital, qui va permettre d'Edgar Faure, oui. Et qui va permettre à l'accusation française à Nuremberg qui avait pas grand chose, hein, parce que c'est les Américains qui avaient raflé dans leur marche en Allemagne toutes les archives nazies, en fait toute la documentation des nazis, mais là c'est grâce à Léon Poliakov qu'Edgar Faure va pouvoir bâtir une partie du qu'il soit français, celui qui concerne les Juifs de France. Ça, c'est pas assez connu, ça, qui a accompagné Edgar Faure. C'était important. C'était un homme politique français. Et il avait vraiment à ses côtés Léon, qui voulait tout lui expliquer. Et c'était très important, ça, qu'il parte avec Edgar Faure. Am 1. Oktober ging der Nürnberger Prozess zu Ende. Seit dem 20. November 1945 wurde vor dem Internationalen Militärgericht in 403 öffentlichen Sitzungen jeder Fall der 22 Angeklagten bis ins Kleinste geprüft. Je citerai seulement un document qui est révélateur de ses véritables intentions des Allemands dans la toute première période. Je le présente au tribunal. Il est particulièrement relatif à la Norvège. Quand, après la guerre, vous êtes tombé sur toute cette masse d'archives, qu'est-ce qui s'est passé au fond ? Vous êtes arrivé, il y avait des caisses avec des documents ? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que je me cherche un job. Et le premier job que j'ai trouvé, c'est de travailler dans un centre de documentation juive qui s'intéressait à ces questions. Alors, on m'a bombardé chef du service de recherche. Et par le plus grand hasard, à travers un homme politique quelconque, j'ai échoué à la Sûreté nationale. C'était la pagaille, ce qui permet de mieux comprendre. Et je suis arrivé dans un bureau où il y avait le commissaire Berger, qui m'a dit, tiens, nous avons reçu une caisse, nous ne comprenons pas l'allemand, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Et c'était la caisse des archives de la Gestapo. Je crois qu'elle est revenue de Pologne, je ne sais pas d'où elle venait, mais elle venait d'y arriver. Je suis tombé au bon moment. Donc je suis devenu leur expert, même pour savoir s'il fallait faire des poursuites ou non, des trucs comme ça. Et ils me laissaient microfilmer à loisir. Et c'est ainsi qu'ont été créées les archives du Centre de documentation contemporaine. C'est ainsi que je suis devenu expert auprès de la délégation française au procès de Nuremberg. Et voilà qui a déterminé toute ma carrière, si vous voulez. C'était comment alors le procès de Nuremberg ? Il y avait là une femme très spirituelle. C'était Lucie Faure, donc... L'ancienne épouse d'Edgar Faure, c'est ça. Celle qui est morte, qui était romancière, n'est-ce pas ? C'est ça, elle disait, excusez-moi, ça peut choquer d'aucun. Après trois jours, parlant des accusés, on finit par les considérer comme des relations. Quelle horreur. Non, moi ça ne m'intéressait vraiment pas. Je suis entré une ou deux fois dans la salle d'audience. Ce qui m'intéressait, c'était le document. Et il y en avait. Selon vous, pourquoi il a commencé, Léon Poliakov, à s'intéresser, justement, à archiver cette histoire ? Jean-Michel, votre fils, me disait que tout a commencé parce que un jour, Léon Poliakov s'est posé une question. Pourquoi ont-ils voulu m'assassiner ? Parce que ce que Léon dit, oui, mais c'était sa façon humoristique de résumer son œuvre, parce que c'était quand même une œuvre qui était quand même pour moi presque scientifique. Enfin, donc il disait, il racontait toujours, j'ai voulu savoir pourquoi on a voulu me tuer, et ça il l'a écrit plusieurs fois. Mais bon, c'était un petit peu se dévaloriser quand il disait ça. Ça partait d'un travail bien plus fouillé, bien plus. Enfin bon, sa recherche était quand même extraordinaire. Tout ce qu'il a cherché, il était tout le temps à la Bibliothèque nationale, je me souviens. Bon, vous avez mille sortes d'historiens, oui. Mais on part quand même d'une question qui est en apparence simple. Oui. Mais comprendre pourquoi moi, si peu juif, parce qu'il n'était pas... Il était russe, il n'était pas juif. Pourquoi moi, si peu juif, et qui n'ai rien fait d'autre que de respirer, pourquoi on a voulu me tuer ? Moi, je trouve que c'est la question. La question. Et je trouve que c'est la question de savoir pourquoi on a voulu tuer quelqu'un comme Léon Poliakov, qui n'avait strictement rien fait, qui lui-même se sentait à l'époque peu juif, qui est devenu juif par son œuvre. Et je trouve que c'est vraiment la question. Et je pense qu'après avoir... retourner cette question avec toutes les qualités que vous évoquez, qui sont considérables, ben, je suis persuadé qu'à la fin de sa vie, il n'avait toujours pas trouvé la réponse. Voilà, donc c'est les meilleures questions sont celles auxquelles on n'arrive jamais à répondre. Moi, c'est ce que je suppose sur l'activité du CDJC. En avril 1943, ils se disent que la restauration républicaine pour les Juifs est loin d'être acquise. En avril 1943, De Gaulle n'a pas encore supplanté définitivement Giraud et la place des Juifs n'est pas garantie en cas de libération du territoire. Et donc, vous avez affaire à des gens qui sont là pour revendiquer les droits des Juifs, autrement dit, l'abolition de la législation antisémite française. Et ils vont tout faire... Ils vont faire en sorte qu'une grosse partie de leurs travaux, ça soit de documenter ce qui est en train de se passer pour faire valoir leurs droits. Et ils n'ont pas d'accès aux archives, évidemment, puisqu'ils sont clandestins et en opposition avec le régime de l'époque. Ils vont recourir à quelque chose qui est commun dans les travaux des services secrets, notamment à l'époque, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils vont utiliser ce qu'on appelle l'OSINT, Open Source Intelligence, c'est-à-dire utiliser des documents publiés, des journaux, des publications administratives, le journal officiel, pour en extraire de l'information et pour traiter cette information. En gros, vous avez une bande de types qui sortent de nulle part, Schneerson, Polyakov, Billy, tous ces gens-là, c'est des philosophes, des juristes, des journalistes, des poètes, qui ont la même idée que ce que font les services secrets aux États-Unis ou au Royaume-Uni au même moment, c'est d'utiliser des sources publiées pour en tirer de l'information et en fait du renseignement. C'est ce qu'on appelle les bottins. C'est toutes les informations qui ont été compilées à partir de 1943-1944 en exploitant le JO. Et par exemple, quand la mission Matteoli avait été chargée sous Juppé puis Jospin à la fin des années 90 d'étudier la politique de spoliation sous Vichy, un de leurs premiers travaux a été d'aller voir ces fameux bottins qui avaient été créés par le CDJC comme source initiale. Alors évidemment, c'est pas une source infaillible, mais c'est une source qui vous montre, enfin, qui a été utilisée par les historiens pendant 40 ans, et puis qui montre comment est-ce que ces gens-là ont travaillé dans la clandestinité. À l'époque, Polyakov n'est pas encore historien, c'est juste un résistant juif qui se cache. Ben, c'est ça qui est impressionnant avec ces hommes-là, dont Polyakov est évidemment... le plus visible d'entre tous, parce que c'est celui qui a eu la carrière la plus brillante et aussi la seule couronnée d'un point de vue universitaire. Enfin, même s'il y en a un autre qui est beaucoup plus jeune et qui est toujours en vie, qui est Serge Klarsfeld, qui est lui aussi, qui a un peu ce profil-là, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas historiens de formation et qui, à cause de l'événement qu'ils sont en train de vivre, vont devenir historiens. Polyakov, au sortir de la guerre, en 1945, il a 35 ans. Il a déjà une vie avant lui. Il a travaillé avec son père au Pariser Tagblatt. Il a eu plein d'activités, mais jamais en matière d'histoire. Et à partir de 1945, il devient l'historien qui travaille sur l'événement qui vient de se produire, à savoir ce qu'on appelle pas encore en France la Shoah, ce qu'on appelle le génocide. Et si on regarde le bréviaire de la haine, il utilise le terme génocide, ce qui est intéressant, puisque le terme n'est pas si ancien à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un historien du présent? Ouais, c'est là où on a quelque chose. Alors c'est pas unique. Vous trouvez la même chose aussi. Par exemple, la Première Guerre mondiale, mais au moment des guerres napoléoniennes aussi, vous avez des gens qui veulent. Alors à l'époque, on appelle ça des mémorialistes, par exemple, ou raconter leur histoire, ou raconter l'histoire du groupe dans lequel ils étaient, une unité militaire ou un village. Là, on a affaire à quelque chose qu'on pourrait qualifier de sensiblement identique, mais qui est quand même différent, c'est que la mission du CDJC, c'est ce qu'on voit sur ce document en tête, centre de documentation des déportés spoliés, c'est de revendiquer les droits rétablis dans la société française, c'est une des missions du centre de documentation, et puis vous avez cette idée qu'il faut faire de l'histoire. Et faire de l'histoire, et c'est là où votre question elle est plus compliquée que, parce que c'est un historien du présent, oui mais non. Parce que quand on regarde, on va prendre le bréviaire, il date de 51, on pourrait dire c'est de l'histoire du présent, sauf que quand on regarde le bréviaire, il embrasse l'ensemble de l'histoire du Troisième Reich, c'est-à-dire qu'il s'intéresse pas à ce qui s'est passé en 42 en le déconnectant du reste, il fait de l'histoire en embrassant une période beaucoup plus longue et pas en voyant un événement qui tombe du ciel et venant de nulle part. Donc il y a quand même une vraie interrogation sur ce que c'est l'histoire et comment est-ce qu'on peut comprendre les événements qu'on vient de vivre en les réancrant dans un processus plus long. Polyakov, lui, et ce qui est impressionnant quand on lit son introduction dès la première édition du Bréviaire de la haine, il veut s'appuyer sur des documents, et ce qu'il lit en 51, quand on lit la préface, c'est assez à la fois impressionnant, édifiant et en même temps effrayant. C'est qu'il dit, qu'il y a une nécessité absolue de recourir aux documents, et notamment aux documents allemands, pour prouver les faits, puisqu'il y a des gens qui conteste ces faits. On est en 51. Et il y a la préface de Mauriac, et Mauriac commence sa préface en disant en gros, pourquoi faut-il encore parler de cela alors que plus personne n'a envie d'en entendre parler. On est en 51. On commence à nier quelque chose qui vient de se produire, et non seulement ça s'est produit, mais je vais vous le prouver en utilisant des documents de sources allemandes. Et puis il rappelle d'ailleurs quelque chose qui est évident, mais qui est très largement suffisant en matière d'argument, qu'aucun des hiérarques du Troisième Reich à Nuremberg n'a contesté les documents qu'il utilise pour le bréviaire de la haine. Alors qu'ils auraient pu le faire en disant que ces documents étaient des faux. Aucun des accusés n'a remis en cause l'origine des documents ni leur réalité. Et en fait, il utilise les documents de Nuremberg pour écrire ce qui est la première étude sur la solution finale vue depuis les archives nazies. Vous diriez, Annette Vivurka, que Léon Poliakov, c'est un pionnier dans les recherches liées à ce qui s'était passé justement pendant la Seconde Guerre mondiale et les Juifs. C'est lui qui a commencé à défricher le terrain. Incontestablement. C'est un pionnier avec... très souvent, les pionniers ont quand même des frères jumeaux qui ailleurs, sont aussi des pionniers. Je dirais que lui et Hilberg... Je vais laisser tomber le troisième, Rettlinger, parce qu'il n'a pas continué. Mais lui et Hilberg, c'est les deux pionniers de ce travail scientifique. Mais la différence, il y a une différence entre les deux, c'est que Raoul Hilberg, lui, vise tout de suite l'université. C'est-à-dire que son travail, la destruction des Juifs d'Europe, c'est un projet de thèse, c'est une thèse. Alors que Léon Poliakov... c'est une sorte d'intellectuel précaire, comme on disait pas à l'époque. Je pense qu'il a pas dû quand même gagner beaucoup de sous, que la vie a été très difficile, et qui va vraiment là où sa curiosité et son besoin de comprendre le porte. Et ça explique un peu cette œuvre qui a à la fois une unité, mais qui va dans différents domaines, la philosophie, l'histoire, les sciences, voilà. La psychanalyse, oui. Que ma herr, die philosophe, met ein kurzen Meichel, setzt sich dies im Rebenstisch, es lernen ein bisschen Seichel. Yum ba ba bum, yum ba ba bum, ba ba bum, ba ba bum, ba ba bum, yum ba ba bum, ba ba bum, ba bum. Il a refusé de publier Bréviaire de la haine. Raymond Queneau. Et qu'est-ce qu'il a écrit, Raymond Queneau, pour refuser... Voilà, vous avez le document original. Voilà. C'est un livre remarquable, à cause de sa documentation immense, basée surtout sur les documents allemands, dont certains sont absolument ahurissants, ce qui est vrai, à cause de son objectivité. On peut le voir dans les passages concernant Vichy, l'Italie, etc., où les responsabilités de chacun sont établies avec soin. C'est écrit clairement et fermement. Je regrette d'avoir à vous transmettre une réponse négative. Voilà. Alors, il y a plein de compliments. Donc, c'est Raymond Queneau, en fait, c'est les éditions Gallimard. C'était les éditions Gallimard voilà. Qui ont refusé de l'éditer. Alors, Primo Levi. C'est une lettre de Primo voilà. Levi, ça. Qui parle de la traduction en italien. Voilà. Avec son aide, dit-il. Donc, il y a une autre lettre de Primo Levi de 64, oui. Ça, c'est aussi très important parce que Primo Levi lui écrit, après avoir reçu son volume Auschwitz, et ce volume Auschwitz a été très longtemps le seul ouvrage un peu scientifique, hein, je mets des guillemets bien sûr, et Primo Levi lui écrit « Je me sens vraiment honoré du fait que mon nom figure dans vos pages. Je connais presque par cœur Bréviaire de la haine. » Voilà. Et puis là, on va regarder les correspondances avec Anna Arendt. Parce que ça nous intéresse vivement. Voilà, Anna Arendt. Alors, Anna Arendt. Ah, d'accord. Anna Arendt, c'est en fait un article qui est paru dans Commentary, qui était la grande revue d'intellectuels juifs new-yorkaises. Et quelqu'un a traduit cet article. Donc elle dit « L'excellent livre de Léon Poliakov sur le Troisième Reich et les Juifs est le premier ouvrage à décrire les dernières étapes du régime nazi en se fondant strictement sur un matériel de première source. Celui-ci consiste principalement des documents présentés au tribunal de Nuremberg et publiés en plusieurs volumes par le gouvernement américain, on pourrait rajouter par le gouvernement français aussi, Nazi Conspiracy and Aggression. » Voilà, donc il parle de ce livre. Elle écrit aussi Monsieur Poliakov est le premier à comprendre et souligner le lien entre meurtre de masse des Juifs et la précédente expérimentation des nazis. Et ça, c'est vrai que quand on regarde Bréviaire de la haine, d'un côté, certaines choses ont été revisitées par la recherche, mais le lien, par exemple, entre l'euthanasie, c'est-à-dire l'assassinat des malades mentaux, c'est-à-dire le lien à la fois conceptuel et pratique, c'est le premier à l'avoir mis en lumière. Voilà, donc c'est un article qui est extrêmement élogieux. Alors, voilà ce que dit Raymond Aron sur ce sujet, que la plupart des Occidentaux, Allemands en particulier, mais aussi Français, Anglais, Américains, préfèrent ignorer. On est en 1954, et c'est vrai. Donc je reprends la citation de Raymond Aron. « Il faut lire l'admirable livre de M. Poliakov. Ce livre a tous les mérites. » Et il ne prétend pas à ceux que l'on attribue de grand cœur à ce dernier. Il ignore les paradoxes de l'histoire, il ne vise pas des explications subtiles ou profondes, il est fondé sur le dépouillement méthodique des archives allemandes, il décrit ce que les Hitlériens ont fait, comment ils l'ont fait, il cite les rapports des autorités, les directives de l'administration chargée d'exécution. Voilà. Et c'est vrai que là, il montre quand même la méthode qui est celle de Léon Poliakov, qui a commencé en fait à devenir historien par la fréquentation des archives et qui a fait que la Billig Division, parce qu'il était avec son collègue Joseph Billig, qui est un historien, lui alors totalement ignoré, alors qu'il a fait une œuvre considérable. Donc ils ont été la Billig Division, c'est-à-dire qu'ils représentaient son documentation juive contemporaine, qui a été comme les États, destinataire des documents de Nuremberg. Donc les archives du mémorial de la Shoah, comme on dit aujourd'hui, doivent tout à Léon Poliakov. Et ce sont les documents d'archives, donc c'est un historien qui est toujours parti de l'archive avec une sorte de soumission, la Schitt Mark Bloch, l'humble soumission à la vérité, c'est-à-dire le fait de ne rien avancer qui ne puisse être prouvé par des documents d'archives. Le contraire d'un idéologue. a vraiment, enfin, 67, 77 ou 78, donc ça couvre quand même pas mal d'années d'activité. Si vous regardez une très grande partie des historiens qui ont travaillé sur la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80-90, et la plupart des ouvrages c'est en français, voire éventuellement en anglais, mais pas... C'est depuis une vingtaine d'années qu'on a des gens qui travaillent sur un champ avec autant de langues. Avant, ça se faisait pas trop. Il y a aussi l'anecdote de son patron de thèse qui lui a dit « Tant que vous travaillerez sur l'antisémitisme, vous n'avancerez pas chez nous ». C'était pas mal comme phrase. C'est étonnant, Anna Dvorka, de la part de Fernand Braudel, de répondre ça à Léon Poliakov. Pas du tout. Parce que je pense que tous ces sujets-là ont été considérés très longtemps dans l'université comme des non-sujets. Et je ne suis pas du tout étonnée qu'on lui ait dit ça. Sauf que je trouve quand même que c'est assez stupide de dire ça à un homme qui a déjà derrière lui une œuvre. Parce que quand il soutient sa thèse en 68, il a déjà publié... beaucoup de choses qu'on a évoquées. C'est pas un jeune homme, hein. Il a 58 ans. Donc, ses perspectives de carrière sont minces. Donc, l'intelligence aurait été de lui dire, continuez à creuser ce même sillon dans les années qui vous restent à travailler. Mais l'université n'a jamais aimé ces sujets-là. Voilà, jamais. Et puis, bon, je vais pas vous citer le nom de la personne qui, il y a pas mal de gens à l'université qui étaient contre Léon parce qu'il n'avait pas fait des études classiques. C'est-à-dire, il le critiquait parce qu'il n'était pas passé par tout le cheminement classique universitaire. Parce qu'effectivement, quand il est rentré au CNRS, c'était sur sa thèse, en fait. Ouais. Pas sur tout ce qu'il avait fait avant. Il est devenu directeur de recherche très tard. Ah oui, quoi, oui, on n'était pas riches du tout. Ouais. Et maman était prof de musique. Ouais. Et je me souviens, il a commencé à bien gagner sa vie. Il a eu le prix de la Fondation du judaïsme en 61 ou 62. Ouais. Et il a quand même écrit et travaillé jusqu'à la fin. C'était il était assis là. Il avait toujours froid parce qu'il ne bougeait pas. Il se levait pour prendre un café. Alors, ce qu'il faisait quand il écrivait, il descendait. Donc j'ai toujours habité en dessous, donc avec mon mari et mon fils, et il venait nous demander ce que nous pensions de ce qu'il écrivait. Et donc on lisait. Des fois, ça nous ennuyait parce que c'était un peu compliqué à lire, parce qu'il y avait tout le temps des rapports, des notes sans arrêt. Mais donc c'était un privilège d'avoir pu lire qu'il nous demande nos avis. Voilà, il demandait l'avis à maman aussi, n'est-ce pas, maman ? Alors, des fois, je lui disais, c'est trop difficile, je comprends pas cette période. Il dit, c'est parce que je suis pas assez claire. Ah, c'était sa modestie. Je comprenais pas, mais il disait, c'est à cause de lui, pas à cause de mon analphabétisme. Il a commencé en marchant dans la forêt de Rambouillet avec moi à ses côtés et me racontait tous ces bouquins que je les avais dans la tête avant qu'il les écrive. C'est surtout cela en marchant dans les forêts si possible. C'était épuisant pour moi d'ailleurs parce qu'en marchant il avait toutes ces idées qui se sortaient. Un chat qui s'appelait Mozart, je me souviens. On était dans la maison de la nounou de Léon, de Pushka. Elle nous avait prêté sa maison, on était tout petits. Et bon, j'ai des bons souvenirs de cette maison. Alors moi, je suis là, voilà, avec le chat. Et ça a été un père comment ? Oh, il était extraordinaire. C'est-à-dire que pour moi, il travaillait, c'est tout. Je le voyais travaillant, écrire. Nous faisant rire tout le temps. Tu te rappelles du docteur Caramel? Oui, il faisait. Quand on pleurait. Il disait, je suis, il avait un accent. Je suis. Quand elle pleurait, oui. Je suis le docteur Caramel, voilà. Son accent. Voilà. Et alors, il vous faisait tellement rigoler que vous pleuriez plus. Il était très drôle. Très drôle, très gentil. Il aimait bien les petits, quoi. Voilà. Non, mais voilà, je voulais vous expliquer la photo. Là, c'est les Bardone qui l'ont caché. Je tiens beaucoup à ça. On dit que les Juifs ne combattaient pas. Il est en soldat piou-piou avec le casque bleu clair. On dit encore que ouais. Ça ne se dit plus. Que les Juifs donc, n'allaient pas à la guerre. Il a d'être un soldat. Non, il a dit qu'il ne savait pas porter un fusil. Il n'était pas du tout soldat. Il a dit qu'il ne savait pas marcher au pas. Et donc ça, c'était très mauvais dans l'armée. Il ne savait pas marcher au pas. Il aimait pas. Il ne savait pas porter un fusil. Enfin, ça n'a pas empêché d'être prisonnier. C'est là l'auberge des musiciens. On appelait les musiciens, mais en vérité, on cachait les Juifs là-dedans. L'auberge des musiciens. J'ai été recruté d'office comme apatride, donc j'ai fait des classes accélérées et puis on m'a envoyé sur la ligne Maginot. Et puis j'ai été fait prisonnier. Et puis, comme j'étais affecté à un commando dirigé par un officier d'intendance, alors il se trouvait que cet officier d'intendance était anti-hitlérien, ça existait. Et il m'a favorisé quelques semaines d'activité dans son commando, et puis il m'a amené à Paris, et puis j'étais libre. Pendant cette brève captivité de luxe, si j'ose dire, c'était mélangé prisonnier de guerre et officier de deuxième réserve, soldat de deuxième réserve allemand. Ils étaient une demi-douzaine, ou quelque chose comme ça, et j'ai vraiment pu faire une coupe. Parce que sur la demi-douzaine ou sur la dizaine, il y en avait deux qui étaient membres du parti nazi. Mm-hmm. Cela était vilain, il fallait s'en méfier. Mais les autres, aucune prévention spéciale, vous voyez. Seulement, on sait ce que c'est que les minorités agissantes. Vous vous évadez et vous allez où alors? Évasion, techniquement, c'en était une, mais de facto. Hein. Non, je suis resté une année à Paris. Et là, je voulais même rentrer en Russie. Je voyais pas le bout du tunnel. Paris, c'était un Paris occupé. Comment est-ce que vous viviez dans ce Paris occupé? Bon Dieu, moi, je vivais en donnant des leçons d'anglais et d'allemand. Et puis, quand ça a commencé à mal tourner, après le premier rafle, je suis passé en zone sud. Vous êtes passé comment? Oh, je ne sais plus qui m'a indiqué le tuyau. C'était le conducteur du wagon de bagages de l'express du rapide Paris-Toulouse. Donc, il m'a mis dans le fourgon en bagage, et puis voilà. Il n'y avait pas le moindre problème. Thank you. avait, au lendemain de la guerre, vers 1947, je vivais dans un quartier à Port-de-Saint-Cloud avec mes trois petits-enfants. Aline Arlette, elle avait 3 ans à l'époque. Et en face se passait un cours de philosophie juive par Jacob Gordin, pas très loin de là où j'étais à l'hôtel. Je laissais mes enfants sous la garde de quelqu'un et j'allais à ces cours de philosophie juive. Et un jour, j'arrive à ce cours, j'avais fait garder mes petits, et je vois un monsieur aux yeux bleus clairs, aux cheveux noirs. Je rentre dans la salle, c'était bondé. Il me fait comme ça, dire qu'il y avait une place à côté de lui. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le lendemain matin, il me téléphone. La dame chez qui il était lui a donné mon numéro et il voulait me rencontrer. Et c'est là, au fond, que j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait faire, écrire. Parce qu'on marchait avenue de Versailles et il racontait son bouquin, son bréviaire et tout. Voilà comment je l'ai connu, voilà. Ça a duré 50 ans. Merci à Germaine Poliakoff, Aline et Jean-Michel Poliakoff, à Annette Fivurka et Tal Brutman. Archive Les Mémoires du siècle de Christine Goémé, 30 juillet 1990. Léon, Paul et Poliakoff. Mixage Éric Boisset. Réalisation Thomas Duterre. Un documentaire d'Alain Lefkovitch. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter ce documentaire ou toutes les autres émissions de La Fabrique de l'Histoire sur le site de France Culture, franceculture.fr. Demain, nous continuons notre série consacrée à l'histoire de l'antisémitisme en nous intéressant à l'écrivain Irène Némirovski qui parfois a été accusé par ceux qui la critiquent de pratiquer l'antisémitisme juif ou la haine de soi. C'est demain dans La Fabrique de l'Histoire.